Congratulate you. Bonsoir, vous êtes bien sur Rage 88.3, je suis DDN, c'est Le Vide Relatif, une émission musicale où on écoute de tout en essayant de ne pas écouter n'importe quoi. Le premier morceau de l'émission de ce soir est un morceau des Télescopes, un groupe que certains d'entre vous ont peut-être connu au début des années 90, au moment où ils étaient un des projets phares de la scène shoegazing pop. Ils étaient signés en même temps que My Bloody Valentine sur le label Creation Records, qui était également le label de... Je n'ose pas dire le nom parce qu'en formation on m'a dit qu'il ne fallait pas dire de grossièreté à l'antenne, c'était également le label d'Oasis. Ils officiaient à présent sur leur propre label, Antenna Records, vers des horizons beaucoup plus expérimentaux tout en gardant leur sens aigu de la mélodie. Le morceau qui suit s'appelle All the Leaves. Si ça vous a plu, vous pouvez retrouver sur antenna.com, antenna avec deux N, numéro 4, le nouvel album des Télescopes. Acceleradec est un projet monocéphale comme la musique électronique en connaît tant. Dans leur nouvel album, Pop Polling, ils ont conservé leurs habitudes d'utiliser la guitare comme source principale et de la trafiquer ensuite par voie informatique. Ce disque est riche, comme d'habitude, en saturation digitale, en trémolo bizarre, en clics et en bruits de toutes sortes. Mais il est beaucoup moins bruitiste que d'habitude, comme vous allez pouvoir tout de suite vous en rendre compte. Thank you. Cet album dont vous venez d'écouter le titre le plus accessible est disponible sur Scarcelight à scarcelight.org. Au fait, si vous n'avez pas pu tout noter, si vous voulez trouver un disque, vous pouvez nous écrire à levidrelatif@rage.fr. Nous allons à présent voyager vers un ambiance spatiale et colorée avec Psychic Space Invasion, puis vers une techno minimaliste digitale avec Ward. Les deux groupes sont anglais et les deux groupes sont sur leur propre label. Elvis Coffee Recordings pour PSI et Loca Records pour Ward. On parlera plus tard de Loca Records. Loka Records est un label qui diffuse de la musique open source, ce qui signifie que leur matériel peut être librement samplé, utilisé, trafiqué, bricolé pour fabriquer de la nouvelle musique, ce que les artistes du label eux-mêmes ne se privent jamais de faire. Plus de renseignements sur loka-records.com. Vous trouvez peut-être que jusqu'à présent, Le Vide Relatif est une émission un peu pantouflarde. Alors je crois qu'il est temps de changer d'avis. Down. venez d'entendre, c'était « Shall Not Kill ». Si au lieu d'habiter dans le nord-est de la France, ils habitaient dans le nord-est des États-Unis, je suis à peu près sûr qu'ils seraient déjà signés chez Revelation Records. Puisqu'on parle des États-Unis, on va maintenant aller dans le sud-est, en Floride précisément, où Richard Cell et ses copains fabriquent The Atlantic Manor tout seuls dans leur studio. Ce groupe a pour particularité de ne jamais jouer ensemble en dehors de l'enregistrement des albums. Celui qui a composé le morceau le montre aux autres, 5 minutes avant de commencer, et ils enregistrent tout en une seule prise. Ils appellent cette technique le « Gorilla Recording ». Leur musique me rappelle celle de Neil Young ou celle de Jad Fair, et vous rappellera peut-être aussi la No Wave, ce mouvement américain du début des années 70. Le but de cette émission est de vous faire découvrir des artistes hors du commerce. C'est pourquoi vous pouvez avoir des difficultés à vous procurer leurs disques. Si vous les voulez, contactez-nous à levidrelatif@rage.fr. On poursuit notre voyage à travers la musique souterraine avec Eva Hertz. Cet excellent titre est disponible avec plus d'une vingtaine d'autres sur la compilation Noise Research Programme du label Burning Emptiness. Plus d'infos sur burningemptiness.com. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours adoré le grind et ses mélodies délicieuses. Le morceau à suivre est un morceau d'Agathocles, le dernier rescapé de la scène grind du début des années 90. Ce titre est extrait de leur dernier split avec Destruction sur agathocles.com. Vous avez probablement remarqué qu'on parle tout le temps d'Internet ici. Internet est en effet devenu le vecteur numéro 1 pour la musique souterraine, que ce soit sous forme de netlabel, des labels dont la production est exclusivement en ligne et peut se télécharger sous forme d'albums entiers en MP3, ou sous forme de labels plus classiques dont la quasi-totalité des ventes se fait en ligne. We'll be right back. C'était Concrete Crips Filth sur leur nouvel album sorti chez CNCCR, un label de CDR français. On va à présent se reposer un peu les oreilles en écoutant The Cosmic Nanu, un groupe irlandais qui fait du folk, spatial, bruitiste, étrange, très intéressant. Si vous avez du mal à trouver un disque, si vous voulez nous poser des questions sur l'émission, nous renvoyer des impressions, qu'elles soient positives ou négatives, vous pouvez nous contacter sur levidrelatif@rage.fr. Vous êtes bien sur 88.3 Rage Arles, la radio qui n'essaye pas d'être numéro 1. En tout cas, voici un morceau qui ne permettra jamais à ses auteurs d'être numéro 1. Il s'agit de Corey, Shearer Hall. C'est sur leur dernier album sorti sur Public Eyesore. Thank you. C'était Corey Shearer Hall et c'était leur dernier album sorti sur Public Eyesore. La légende veut que Public Eyesore soit le plus gros label de CDR du monde, ce qui signifie que les jours de grand vent, il tire à 200 exemplaires. Mais avoir un faible tirage n'est pas un indice de faible qualité. Vous allez tout de suite pouvoir le constater avec ce morceau de Tool of the Man qui est sorti sur une compilation du label 1001 Tilt, un label de CDR grec. Rassemblement des zéros justes et des zéros criminels, tous mâles, qui donc, lequel, laquelle a glissé au milieu du fracas des armes, des rages, des incestes, des crimes et châtiments, le minuscule et sublime jardin du cantique des cantiques, la mi-en partie du tout et la réserve pour la mort indigène, de ce jardin où il et elle s'échangent totalement, l'une aussi grande que l'autre est beau, clown aussi puissant que l'autre étant est descendue la ligne des couples aux amants égaux. Mince, frêle, généalogie vouée tout entière à un sort tragiquement réaliste. Ils sont intolérables ces deux-là. Vous autres étrangers que la mort accorde également, vous êtes abominables. Au monde où règne discorde et dissension. Allez au néant, vous les Tristan et les Iseux, les Romeo et les Juliette. Dehors, Francesca et Paolo, trépasseurs sans visa, anomalie, erreur, écart de l'imagination. Le CDR n'est pas le seul moyen d'expression disponible, évidemment. Ce n'est pas parce que votre disque ne sort pas du graveur d'un ordinateur qu'il n'est pas de grande qualité. Il peut même être pressé sur les chaînes qu'utilisent les grandes majors et être tout de même un excellent disque. C'est juste qu'au fur et à mesure du temps, on a l'impression que c'est de plus en plus rare. Le morceau suivant, c'est Gunbold, un groupe de jazzcore hollandais. Nigger Rüssel, but on the gold pesetta. Nigger Uncle Pugis Spiegel, maybe the soda swallow inside. Nigger Dragis Chabros, dilemma. Nigger Dragis Chabros, dilemma. Not touching, or 20. Même si vous n'avez pas reconnu la langue qui est chantée dans ce morceau, vous pouvez trouver le disque sur narrowminded.com. On aime bien la harsh noise ici, mais on n'en passera pas très souvent parce qu'évidemment la harsh noise, c'est un peu difficile à écouter à la radio. Ce qu'on va passer à la place ce soir, c'est une reprise d'un projet de harsh noise japonais qui s'appelle Government Alpha, repris par un projet d'ambient psychédélique français qui s'appelle Moon. Comment on peut arriver à faire une reprise, un cover ou un remix d'un projet de harsh noise me laisse pantois, mais j'aime beaucoup ce morceau. Mon format préféré, c'est le 45 tours. Et juste après, c'est le CD de 3 pouces, ou le 8 cm comme disent les Québécois. Ce format est particulièrement adapté aux formes de musique expérimentale qui utilisent des morceaux courts, comme la glitch par exemple. Ça tombe bien, ce qu'on va écouter maintenant, c'est de la glitch, c'est Picab Alter, et le morceau s'appelle Miniature numéro 7. Vous êtes toujours dans Le Vide Relatif sur Rage 88.3, c'est déjà le dernier morceau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aurez hâte de retrouver l'émission la semaine prochaine pour des morceaux un peu plus ambiants, un peu plus longs, un peu plus difficiles. En attendant, on termine l'émission sur Amanon avec Young Girls et n'oubliez pas que si vous voulez nous contacter pour avoir les adresses des labels, les contacts des groupes, nous envoyer des disques ou bien être inscrit sur notre liste de diffusion, vous pouvez le faire à levidrelatif@rage.fr. C'était DDN, bonsoir. We'll be right back.